Chapitre 13. La visite du docteur. C'est cet après-midi que nous verrons le docteur Martin au bureau de mon père, s'était écrié tout à coup le petit William Carlyle pendant le dîner. Y allons-nous, Madame Vine? Je ne sais pas, William. Madame Carlyle va vous y mener. Non, ce n'est pas elle, mais vous, madame. Un éclair de feu lui passa sur le front à cette idée, bien qu'elle n'y crût guère. Elle est dans le bureau de Carlyle. Madame Carlyle m'a dit elle-même qu'elle vous y conduirait, fit-elle à l'enfant. « Moi, je sais bien que ma mère m'a assuré ce matin que c'est vous qui me mèneriez à West Lynne. » Madame Carlyle parut et interrompit la discussion. « Madame Vine, dit-elle, tenez-vous prête pour 3 heures, afin de mener William chez son père. » Le cœur d'Isabelle battait à rompre sa poitrine. « Il me semblait, madame, vous avoir entendu dire que vous iriez vous-même. C'est vrai, c'était mon intention. Mais ayant pris la visite d'amis éloignés, je ne sortirai pas. » William alla à West Lynne sur son poney. Un groom l'accompagna pour amener la monture, parce que l'enfant devait revenir à pied avec Madame Vine. Carlyle était absent quand ils arrivèrent au bureau. L'enfant courut droit au cabinet de son père, laissant Madame Vine le soin de le suivre. Deal était là. « Eh bien, mon petit monsieur, s'écria le vieil employé, venez-vous ici donner vos instructions pour un procès ou présenter une requête à la chancellerie? Madame, veuillez prendre un siège. Je suis venu ici attendre le docteur Martin. » « Où est donc papa, monsieur Deal? Comment le saurais-je? Mais qu'avez-vous à faire du docteur, à ce teint de rose au bois que vous allez mieux? Je le voudrais bien, monsieur Deal. C'est si mauvais, avaler l'huile de foie de morue. Maman devait m'accompagner, mais elle ne le peut pas. Comment va-t-elle, votre maman? Oh, elle va très bien. Oh, quel vacarme j'ai entendu là-bas, au bureau de police. Mon poney a eu peur, et j'ai dû le retenir et lui faire sentir ma cravache. On régalait de coups de pied une rose jaune. On ne sera tranquille qu'après les élections. Je voudrais qu'elles fussent finies et que ce candidat fût parti d'ici. Vous voulez dire Levison ? Demanda William, qui naturellement imitait le ton des diplomates de sa connaissance. Lui-même, ajouta-t-il, cet homme est un monstre. Les joues pâles d'Isabelle se couvrirent d'une rougeur brûlante. Évidemment, il ne pouvait pas l'emporter sur papa, interjeta le petit William d'un ton d'oracle. Il ne l'emportera jamais sur cet honnête homme, non. Le bon Dieu ne le permettrait pas. Répliqua le vieux Deal avec chaleur. Un clerc parut. Il introduisait un étranger, un client. Le clerc croyait Carlyle dans sa chambre. Le vieux Deal conduisit le client dans son petit cabinet, mais auparavant, l'institutrice fut l'objet de ses regards curieux. Elle avait comme de coutume une robe de soie noire. Quelquefois ses parures étaient riches, quelquefois simples et tout unies. Mais la soie noire en faisait toujours tous les frais. Elle portait, comme dans l'intérieur de la maison, une espèce de zouave qui lui masquait la taille. Sa tête était coiffée d'un chapeau de paille dont la passe s'étendait en avant d'une manière démesurée et d'atroces lunettes bleues lui couvraient les yeux. Tout à coup parut Carlyle causant avec Deal qui marchait derrière lui. « Ah, voilà ici, Madame Vine, » s'écria l'avoué avec surprise. « Je vous avais laissé un mot pour que vous allassiez chez Mademoiselle Carlyle. Deal, je vous ai donné ce mot. Non, monsieur, je n'ai rien vu. Alors c'est que je l'ai oublié. « Voyons, quelle heure est-il ? Le docteur a-t-il dit à quelle heure il viendrait, Madame Vine ? Pas précisément, mais j'ai compris que ce serait assez tard dans l'après-midi. » Isabelle, d'après l'invitation qui lui fut faite par Carlyle, se rendit avec William chez Mademoiselle Cornélie. Cette dame était sortie, on ne l'attendait que pour dîner. William s'installa sur un confortable sofa et le repos l'eut bientôt endormi. Que les minutes se traînaient lentement, que la maison semblait calme et tranquille. Vous l'avez remarqué si jamais vous avez entendu quelqu'un ou quelque chose. Isabelle, assise, écoutait pour ainsi dire le silence. Elle regardait machinalement par les persiennes pour voir les passants. Elle contemplait aussi les joues pâles de l'enfant et désirait que le médecin arrivât. 5h30 sonnèrent. « Le voici, » pensa-t-elle en entendant quelqu'un se diriger vers la pièce où elle était. Non, ce n'était point le docteur. Son pas n'aurait pas fait battre son cœur à ce point. « Le docteur Martin est en retard, » dit Carlyle, car c'était lui qui venait d'arriver. « Je crains que votre patience ne se fatigue, Madame Vine. »« Oh, qu'importe, monsieur, » répliqua-t-elle, de ce ton de voix timide et craintif qu'elle ne dépassait jamais. « Le voici, » s'écria Carlyle avec joie. Isabelle comprit qu'il parlait du docteur. « Eh bien, » demanda le docteur en entrant, « comment va mon petit malade ?» L'enfant venait de se réveiller. Le médecin s'approcha, l'examina avec attention, lui tâta le pouls, le palpa, explora sa respiration. « Je voudrais boire, » dit William, « j'ai soif. » papa, puis-je sonner pour demander un verre d'eau ?»« Allez trouver la bonne de votre tante, » répondit Carlyle. William sortit. Carlyle était appuyé contre la fenêtre. Isabelle se tenait debout auprès du médecin. Tous trois étaient inondés d'un flot de lumière, mais un voile épais cachait les traits d'Isabelle. Rarement, on la voyait sans ce voile, car elle le mettait indistinctement en toutes sortes d'occasions. « Quelle est votre opinion, docteur ?» commença Carlyle. « Assurément, » fit le médecin d'un ton familier à sa profession. « L'enfant est fort délicat, mais... Arrêtez, docteur !» interrompit Carlyle la voix basse et avec émotion. « Parlez-moi franchement, je veux savoir la vérité, sans déguisement. » Le docteur semblait hésiter. « Monsieur Carlyle, la vérité est quelquefois amère, c'est vrai, mais elle n'en est que plus indispensable. Quoique cruelle qu'elle soit, vous pouvez me la révéler. Il n'y a pas ici de mère aménagée. Eh bien, soit, je vous dirai la vérité tout entière. La vie est en danger, oui. L'enfant apporte en naissant les germes de la phtisie. Ils éclatent en lui de toutes parts. L'angoisse du père resta étouffée dans son cœur. C'était une âme maîtresse d'elle-même. Il avait pour ses enfants de la tendresse et de l'amour, aussi faisait-il taire son cœur au risque de le déchirer. Il demeura immobile, les yeux à moitié voilés. Après quelques minutes de lutte intérieure, il rompit le silence. Comment a-t-il pu naître phtisique? On ne l'est pas dans la famille, ni de mon côté, ni de celui de sa mère. Pardon, monsieur, dit le docteur, sa grand-mère est morte poitrinaire, la comtesse de Mount Severn. Mais on n'appelait pas cela phtisie, dit Carlyle. Peu importe le nom. C'était la phtisie, une phtisie lente, languissante, bénigne, si vous voulez, mais c'était la phtisie. N'y a-t-il plus d'espoir pour l'enfant? Le docteur regarda le père. « Vous me demandez la vérité ?»« Pas autre chose. La vérité. Rien que la vérité. » répondit Carlyle d'un ton de douleur et de commandement. « Eh bien non. Il n'y a plus d'espoir. Pas la moindre lueur. Le mal a tout envahi. »« Combien de temps encore ?»« Je l'ignore. » interrompit le docteur, qui prévoyait la prochaine question. « Il peut languir encore des mois entiers, un an peut-être. Mais aussi il peut s'éteindre bientôt. » Ne le fatiguez plus de leçons et de sciences. Le pauvre enfant n'en aura jamais besoin. Le docteur jetait les yeux en parlant sur l'institutrice, parce que la recommandation s'adresse à elle autant qu'à Carlyle. Il la vit s'évanouir et pâlir sous son voile. « Vous souffrez, madame ?» Elle ouvrit les lèvres, mais ses lèvres refusèrent de laisser passer une réponse. Le docteur, pour mieux la voir, lui enleva ses lunettes bleues. Elle lui reprit d'une main tremblante et tomba sur une chaise, se cachant le visage de l'autre main. Carlyle, que cette scène avait surpris, s'approcha et lui dit « Êtes-vous malade, madame Vine ?»« Messieurs, » balbutia-t-elle en remettant ses lunettes, « je vous en prie, n'interrompez pas à cause de moi votre conversation. Je vous remercie l'un et l'autre. Je suis sujette à de légers spasmes. Alors j'ai l'air plus malade que je ne le suis réellement. C'est passé maintenant. » Le docteur la laissa tranquille et Carlyle se remit près de la fenêtre. « Quel doit être le traitement ? » demanda-t-il. « Tout ce qu'il vous plaira ou qui plaira à l'enfant. Laissez-le jouer ou se reposer. Allez à cheval ou à pied. Mangez et boire, tout sera bon. Car tout est indifférent. Mais il me semble, docteur, que vous abandonnez facilement toute espérance. » Le docteur hocha la tête. « Vous voulez mon opinion, je vous la donne. Un climat plus chaud n'offre-t-il pas de ressources ? Cela pourrait prolonger son existence de quelques semaines, mais voilà tout. D'ailleurs, qui l'accompagnerait ? Tenez, je ne vous le conseille pas. Vous reviendrez de temps en temps à Eastline, voir William, si vous le désirez. Adieu, madame, ajouta-t-il en se tournant vers l'institutrice. Celle-ci le salua d'un geste pendant qu'il sortait avec Carlyle. Que cette institutrice aime donc votre enfant ? Je l'avais déjà remarqué lorsqu'elle l'amena à Lineborough. Et vous avez vu tout à l'heure quelle émotion quand elle m'a entendu dire que l'enfant ne vivra pas. Au revoir. Carlyle lui serra la main. Docteur, soupira-t-il en se penchant à son oreille. Oh, si vous le pouvez, vous me le sauverez, n'est-ce pas? Ah, monsieur Carlyle, si nous autres, pauvres docteurs, pouvions sauver ceux que le grand médecin veut rappeler à lui, comme on nous ferait la cour. Mais ne l'oubliez pas, mon ami, sa main nous frappe souvent pour nous guérir. Adieu. Adieu. Carlyle revint dans la chambre et s'approcha d'Isabelle qui était restée assise. « Voilà de tristes nouvelles, madame, » fit-il tristement, « mais je crois que vous vous y attendiez mieux que moi-même. » Elle se leva tout à coup, s'approcha de la fenêtre et regarda dans la rue comme pour examiner un passant. Mille émotions palpitaient en elle, ses artères battaient, son haleine se précipitait, toutes les douleurs l'assiégeaient. « Je commençais à tant aimer cet enfant, monsieur. » L'arrêt du docteur m'a troublé, agité, murmura-t-elle en dégageant ses mains brûlantes de ses gants pour les porter à son front tout ruisselant de sueur. Carla, elle se rapprocha d'elle en lui disant « Vous êtes bonne, madame, de donner à mon enfant tant de preuves d'intérêt. » Elle ne répondit point. « Ne parlez de rien à madame Carlyle. J'aime mieux l'instruire moi-même de détails capables de l'alarmer si on ne prenait pas assez de ménagement. » « Que craignez-vous pour elle? Elle n'est pas sa mère. » Il y avait dans l'accent de ses paroles une fierté douloureuse à l'adresse de Barbara, mais elle se maîtrisa et finit sa phrase sur un ton plus humble. Carlyle, se dressant et élevant la voix, répliqua avec hauteur. « Madame, songez-vous bien à ce que vous dites là ?» Le reproche pénétra jusqu'à son cœur et lui rappela ce qu'elle était. Lui rappela sa honte et son humiliation. Quoi, elle, pauvre institutrice, parlait ainsi de la femme de Carlyle? Il fallait avoir perdu la raison. Il allait se retirer, elle se tourna tout à coup vers lui, une ardente prière sur les lèvres. Il paraît, si j'ai bien compris, qu'il pourrait être embarrassant de transporter William sous un climat plus doux. Monsieur, permettez-moi de m'en charger moi-même. Confiez-moi ce cher trésor. Non, madame, il restera avec moi. Vous avez entendu le docteur Martin. Ce voyage ne saurait prolonger les jours de mon enfant. William montra sa tête pâlissante à la porte entrouverte. Est-il en allé, le docteur? Je ne voulais pas revenir qu'il ne fût parti. Il m'aura encore dit de prendre de l'huile de foie de morue. Carla, elle s'assit et prit l'enfant sur ses genoux, pressant son front avec amour sur les cheveux bouclés de William. Mon bien-aimé, l'huile dont vous parlez vous fera du bien. Elle vous fortifiera. « Mais papa, j'ai beau en prendre, je n'en suis pas plus fort. Est-ce que le docteur croit que je vais mourir ?»« Qui vous a parlé de mourir ?»« Oh, c'est quelqu'un, papa. »« Nous allons tâcher de vous guérir, au lieu de vous laisser mourir. » Et en parlant ainsi, Carla, il cherchait à comprimer l'émotion douloureuse de son cœur. Mais il ne le put pas, et sentant que cette émotion allait éclater en sanglots, il s'empressa de remettre l'enfant Madame Vine, le recommanda à ses soins, et à la hâte sortit de la chambre. « Papa, papa, écoutez donc !» s'écria tout à coup l'enfant, échappé des mains de l'institutrice et courant après Carlyle. « Retournons ensemble à la maison, voulez-vous ? » « Comment refuser une pareille demande à son enfant ?»« Je le veux bien, » dit-il. « Restez ici, jusqu'à ce que je vienne vous prendre. » Bientôt reparut Carlyle, et l'on partit, lui tenant son fils par la main, elle marchant seule à côté de l'enfant. « Où est donc William Vane ?» demanda le fils à son père. « Il est avec Lord Mount Severn. » À peine avait-il dit ces mots qu'un individu sortit précipitamment du bureau de la poste et se trouva face à face avec eux. Il le heurta presque en leur barrant le passage, mais en les voyant, il parut confus et se jeta le long du mur pour les éviter. N'en soyez pas surpris, cet homme, c'était Levison. William, en le reconnaissant, s'écria en véritable enfant terrible. « Je ne voudrais pas ressembler pour tout au monde à ce vilain, à ce méchant homme. Et vous, papa ?» Carla, elle garda le silence. Isabelle le regarda pâle et tremblante. Il était impassible. Ses lèvres seules trahirent un imperceptible sentiment de dédain. Arrivé devant la porte du juge Hare, ils virent ce dernier qui se promenait de long en large. Il était, je ne dirais pas pâle, ce serait une expression trop faible, mais jaunâtre. Dites donc, Carlyle, que se passe-t-il donc ici-bas? S'écria-t-il d'un ton qui pour lui était plein d'humilité et de douceur. Je n'étais pas présent à notre séance d'aujourd'hui, mais Rinner m'a parlé d'une demande qu'on leur adressait à huis clos. C'est un conte inventé à plaisir, n'est-ce pas? De quoi me parlez-vous d'abord? Fit l'avoué. Je n'ai entendu parler d'aucune demande faite à huis clos. Eh bien, voici le fait. L'on prétend vouloir établir que Richard n'a jamais tué Harley John. Poursuivit le juge à voix basse, tout en promenant ses regards autour de lui pour voir si les arbres ne cachaient pas quelques espions. Vraiment? Ajouta Carlyle. C'est comme je vous le dis, et ce sera Levison. Levison, vous entendez? Carlyle répondit à peine du geste. Sa physionomie demeurait plus impassible que jamais, mais il n'en fut pas de même de Madame Vine. Moi, je vous répète que c'est impossible. Richard ne peut pas être innocent, ou bien le monde est renversé. Mais je le croirai assez. Richard n'est pas coupable. On le prouvera au grand jour, devant les tribunaux. Voyez-vous, Carlyle, cela ne se peut pas. Cela est impossible. Quant à l'innocent de Richard, j'en suis depuis longtemps convaincu. Et vous croyez Levinson coupable? Allons donc. je n'exprime à ce sujet aucune opinion. Mais si c'est l'autre qui est l'assassin, il me semble que vous n'attendriez pas pour le faire arrêter vous-même. Je ne voudrais pas le toucher du bout des doigts. Fi donc, toutefois s'il monte à la potence, ce n'est certes pas moi qui lui barrerais le passage. Mais est-il croyable que Richard soit innocent? Voyons, réfléchissez donc. Alors pourquoi s'est-il tenu caché? Pourquoi ne pas revenir pour se justifier? Oui, revenir pour que vous le livriez à la justice, car vous en avez prêté le serment, monsieur Hare. Le teint du juge n'était plus jaune, il était verdâtre. Son ton devenait singulièrement humble. Oh, Carlyle, quelle vengeance vous pourriez tirer de Levison si certaines personnes vivaient encore? Comme cela l'aurait fait rentrer en elle-même. On y rentre toujours de soi-même, répondit Carlyle en prenant l'enfant par la main. Et saluant de loin Madame Hare, il se remit en chemin. Isabelle continue aussi à marcher à côté de l'enfant. Elle était tremblante d'émotion et de douleur. Le juge les suivait des yeux, l'esprit préoccupé. Il ne pouvait rien comprendre à ce qu'il voyait. Richard innocent. Richard, qu'il avait poursuivi à outrance et qu'il voulait pousser au pied de la potence. Et puis l'autre coupable, Levison. C'était le monde renversé.